savoir, c'est une magnifique. Tous les soirs seront des soirs de fête. Tenez, ce soir, c'est la première de l'Olympia. Il y aura des artistes, des écrivains, des milliardaires, des mannequins de chez Dior, de chez Balmain, le tout Paris. Monsieur Jean Cocteau, Maître Maurice Garçon, Alican, Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Mais naturellement, Brigitte Bardot. Tu te rends compte, Auguste, il y aura Brigitte Bardot. Et demain, Auguste, demain, c'est le gala du Marivaux. Il y aura des artistes, des écrivains, des milliardaires, des mannequins de chez Dior, de chez Balmain, le tout Paris. Monsieur Jean Cocteau, Maître Maurice Garçon, Alican, Brigitte Bardot. Et dans 3 jours, ce sont les ballets des Champs-Élysées. Il y aura des artistes, des écrivains, des milliardaires, des mannequins de chez Dior, de chez Balmain, le tout Paris. Monsieur Jean Cocteau, Maître Maurice Garçon, Alican, Brigitte Bardot. Et l'été, Auguste, l'été. L'été, vous irez à Cannes. Il y aura des artistes, des écrivains, des milliardaires, des mannequins de chez Dior, de chez Balmain, le tout Paris. Monsieur Jean Cocteau. Maître Maurice Garçon, Alican. Évidemment. Et Brigitte Bardot. Mais forcément, voyons. En somme, c'est toujours la même chose. C'est tout de même plus amusant que dans votre banque. Oh, pardon. Ah, mille pardons. C'est qu'à la banque, c'est vivant. Et d'abord, à la banque, ça change tous les jours. Tous les jours? Parfaitement. Les lundis, nous avons les jolies secrétaires des magasins de commerce qui nous apportent leur chèque, leur traite. Et elles nous racontent leur dimanche, le film qu'elles ont vu ou leur partie de campagne. Ah, si vous saviez comme les lundis... Nous passons bon dimanche. Ne l'écoutez pas, il ne sait pas ce qu'il dit. Le mardi et le jeudi, ce sont les jours des jolies jardinières de la rue Amélie. C'est ça, oui. Et elles nous offrent ou leurs premières fraises ou leurs premières violettes. Et ainsi, aux petits cadeaux qu'elles nous font, eh bien, on voit passer les saisons. Savez-vous que nous allons avoir un printemps très ensoleillé? Vous savez pourquoi? Moi, je le sais, j'étais le premier à le savoir dans tout Paris. Vous le savez pas, mais oui. Non. Je peux vous le dire, si vous voulez. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Les oignons ont 8 peaux. Si vous saviez comme ce jour-là, on s'est amusé. On a ri, mon Dieu qu'on a ri. Si vous saviez ce qui m'est arrivé, et c'est pas une farce, c'est vrai. J'ai écrit, veuillez payer contre ce chèque 50 000 oignons. On est arrivé, mon Dieu qu'on arrive. On en arrive pendant 8 jours. Il vous en faut pas beaucoup. Et mais nous, ça nous suffit, nous. Et puis? Et puis il y a le mercredi. Ah bon? C'est le jour du pharmacien. Quand il vient apporter toutes ses piles de monnaie entourées dans du papier, il nous offre chaque fois des cachous, des pastilles. Et il s'ingénie chaque fois à trouver une nouvelle marque. Je vous dis, ça change tout le temps. Puis on a le comique. C'est le caissier des magasins réunis qui vient nous chercher la paye des employés. Alors faut le voir, avec son revolver, il arrive et il fait peur aux dactylos. Elles l'ont surnommé le shérif. Non, tu l'ennuies, monsieur Flower, avec tes histoires de boutons. Ah mais non, moi ça m'amuse beaucoup. Quand je vous en prie, continuez, Auguste. Tenez, vous pouvez pas vous figurer comme chaque soir, c'est épatant d'être content simplement parce qu'il est 6 heures. Je comprends. Il y a la vie elle-même de la banque. On a par exemple nos fêtes, nous à la BNDI, ce sont les plus chics de tout Paris. On a le grand bal de la mutuelle, ça se passe place de la République à l'hôtel Métropole. C'est très chic. C'est pas tout le monde qui peut y aller. Puis moi je suis content ce jour-là parce que je suis quelqu'un. J'ai un brassard et c'est moi qui déchire les tickets. À 1h30, on a des attractions. Mais rien que des attractions de la BNDI. On a le caissier des Batignolles. Qu'est-ce qu'il chante bien, c'est... Il chante des chansons de Ray Dakar avec la voix d'Aznavour. Ensuite, il fait un numéro de prestidigitateur. Après, il a un troisième numéro. Il fait le chansonnier Montmartre. Mais il est épatant. Oh, épatant. Qu'est-ce qu'il prend chaque fois le gouvernement? Je trouve ces enfantillages d'un ridicule. Tenez. Et l'inquiétude dans laquelle nous vivons continuellement, nous, à la banque. Quelle inquiétude? Quelle inquiétude? Mais l'inquiétude du hold-up. Il y a 6 mois, à l'agence G, à Ménilmontant, ils ont été attaqués. Ils ont arrêté les voleurs de justesse. Nous, on est à H, de G à H.